Bon après-midi et bienvenue à cette conférence de Daniel. Il me fait plaisir d'avoir l'honneur de réinterviewer Daniel après une période de paix. En apparence. Une période assez longue de ces conférences. Je pense que la dernière fois, ça a été au mois de juillet. Ça a été la dernière fois, mais je ne sais pas. Déjà 6-7 mois. Alors, Daniel, tu m'as mentionné que tu te proposais de parler de souffrance aujourd'hui. La souffrance. Dernièrement, justement, au Bahama, j'ai mis la main sur un livre dans une bibliothèque qui parlait de la souffrance que les Grecs décrivaient il y a 3000 ans. Et puis, justement, on mentionnait à ce moment-là que la sagesse ne pouvait s'atteindre que par la souffrance. Ça, c'est bien toi, ça, lire des livres sur la souffrance de 3000 ans. Non, j'ai pas lu des livres sur la souffrance, mais dans un bouquin qui parlait de différentes choses, dont le titre était « God Within ». On parlait justement que le 3000 ans, les Grecs ont écrit sur la souffrance, ont constaté, les grands de l'époque ont constaté que la sagesse à ce moment-là, naturellement les mots étaient différents, mais que la sagesse ne pouvait s'atteindre que par la souffrance. Et puis, de ma part, c'est l'endroit le plus éloigné que j'ai pu constater. Je sais bien qu'il faut parler d'avenir, mais quand même, pour parler de la souffrance, si on fait, on va un peu dans le passé, on va s'apercevoir que les taux vibratoires se sont haussés par la souffrance. Bon, une chose certaine, c'est qu'on va constater que l'humain a toujours souffert. De là, savoir si le taux vibratoire a été haussé par la souffrance, c'est une autre chose. Mais on peut constater que l'humain a toujours souffert puis que le taux vibratoire a toujours été haussé. Est-ce qu'il y a un rapprochement à faire? Il me semble que durant une conférence de 92, il avait été déterminé que justement la souffrance faisait hausser le taux vibratoire. Tu avais expliqué comment les mécanismes de ce fait. Bon, d'accord, alors oui. Tu mentionnais aussi que ce n'était pas la seule façon, que toi, tu voyais d'autres façons d'hausser son taux vibratoire. Mais, Oui, il y a d'autres façons d'hausser son taux vibratoire. Puis, si on regarde la souffrance, c'est un véhicule extraordinaire, premièrement, pour alimenter le monde de la mort. Deuxièmement, quand l'être humain est suffisamment harcelé par la souffrance, il finit par en avoir tellement ras-le-bol qu'il a la possibilité de s'auto-détruire, de se suicider, de mettre fin à ses jours, d'empoisonner son corps physique. Et quand l'être humain est rendu à un seuil extrême de souffrance, il est obligé, l'astral est obligé de le lâcher. Parce que si l'astral qui le fait souffrir ne le lâche pas, l'être humain, normalement, ne survit pas. Et quand l'astral le lâche, cela crée un vide majeur autour de l'humain. Et parce qu'il n'y a plus d'astral, automatiquement, tout ce qui reste, c'est le contact avec l'intelligence. Et c'est ce qui fait en sorte que lorsque l'humain souffre à un point tel, bien, rendu à un certain moment donné de sa souffrance, lorsqu'il est écœuré d'être écœuré, il faut qu'il atteigne le seuil d'écœurement de l'écœurement. S'il ne l'atteint pas, si l'astral le lâche trop vite, la souffrance ne fera jamais hausser son taux vibratoire. Mais pendant qu'il a souffert, la souffrance l'amène non pas à comprendre des choses, parce que la compréhension de phénomène n'enraye pas la souffrance nécessairement. C'est le savoir du phénomène qui va enlever la souffrance. En réalité, ce serait plutôt le haussement du taux vibratoire de l'individu qui souffre. Bon, puis ça, ça va engendrer le savoir dans ce qui concerne son expression planétaire. Et ça va faire en sorte que la souffrance va cesser si son taux vibratoire est haussé parce qu'il se désassujettit des manipulations astrales de ce niveau-là. Oui. Alors, à ce moment-là, ce que tu viens de dire, c'est que tu viens de dire que, justement, la souffrance hausse le taux vibratoire. Non, ce que je viens de dire, c'est que la souffrance amène l'humain à un point tel qu'il va mourir. Non, non, mais dans ce que tu viens de dire, là, la dernière phrase. La souffrance amène l'humain à un point tel... oui, ne prends pas mes phrases hors contexte. La souffrance amène l'humain à un point tel qu'il va mourir. Pour qu'il ne meure pas sous l'emprise de la souffrance, l'astral va le lâcher. Et là, quand l'astral le lâche, là, il reste que le contact avec l'intelligence. C'est ce qui fait aussi le taux vibratoire de l'individu. Autrement dit, si l'astral serait capable de laisser l'humain immédiatement tel quel tout de suite, l'humain n'aurait pas besoin de vivre la souffrance pour arriver à un contact. La problématique, c'est que l'astral se sert comme alimenteur de l'être humain. Il en a un besoin vital pour s'alimenter. Donc, elle manipule l'être humain au maximum, elle le fait souffrir au maximum. Puis la meilleure façon de faire souffrir un humain, c'est pas d'épiler sur un pied, c'est de lui donner du neuf, puis de lui donner des différences de potentiel, l'obliger sans cesse à avoir l'illusion qu'il doit prendre un choix, donc il souffre et à s'adapter. Quand l'humain est pris dans un monde où il doit s'adapter sans arrêt, dans un monde où l'humain doit apparemment faire des choix sans arrêt, puis nécessairement l'astral va s'arranger pour qu'il se trompe sans arrêt selon l'homme, ben, l'humain souffre, l'humain est heureux, l'humain souffre, ça nourrit le monde de la mort. Puis quand l'humain est rendu à un point tel que ce jeu-là est dangereux pour sa vie, normalement l'astral se retire. Quand l'astral se retire, ben là, il reste uniquement la place pour le contact avec l'esprit. Et là, si l'humain est suffisamment déjà organisé vibratoirement, ben le peu de contact qu'il aura avec l'esprit le temps que l'astral s'est poussé peut être suffisant pour le faire monter en vibration, alors que d'autres humains qui vont souffrir énormément, puis quand l'astral est lâche, ben c'est à peine s'ils peuvent prendre conscience de la différence de potentiel. Ça dépend donc toujours du niveau vibratoire de départ de l'humain. Oui, là, tu le regardes à un certain niveau, mais les gens qui n'ont pas été si loin que ça, la souffrance leur a permis d'avancer, d'évoluer, sans nécessairement que l'intelligence prenne contact avec eux. Là, ce que tu décris, c'est un peu l'histoire de la vie de plusieurs initiés dans le passé. Oui. OK. Mais si on le prend au niveau de la planète, à tous les niveaux... Mais la souffrance amène la sagesse, mais ça n'amène pas le savoir. Non, mais c'est une préparation, c'est une étape plus proche du savoir. Chose est certaine, oui. C'est pas essentiel, c'est une étape plus près du savoir. C'est que, c'est évident, ça on s'est déjà obstiné un peu là-dessus. Mais c'est évident que l'être humain, les gens ici, par exemple, les gens qui écoutent la conférence, apprendront probablement plus vite dans la souffrance que sans la souffrance. Pour quelle raison que, suite à de grandes souffrances, l'homme voit clair dans la situation et que... Parce que c'est ce que tu as expliqué tantôt, c'est l'énergie qui à il ce moment-là. Reste l'astral sorti. OK. Mais c'est la souffrance qui a amené à ce point-là. Non, la souffrance qui a amené l'astral à devoir se retirer. Sans ça, l'humain n'était pas mourir. Parce qu'il y en a qui sont dans des souffrances extrêmes puis se suicident. OK. Donc l'astral s'est pas retiré à temps. OK. Ça, c'est dans une souffrance très avancée. Une grande souffrance. Une grande souffrance. Mais, si l'astral se retire à temps, normalement, l'individu a une illumination. Parce que l'être humain est toujours en contact avec l'intelligence. Sauf que l'astral est toujours là pour atténuer. Mais à un moment donné, si l'astral a la capacité, ou si, par exemple, l'humain a la capacité de pousser l'astral par une colère mentale très, très, très puissante, ou par l'obligation de « retire-toi, sinon je meurs », un peu comme Bouddha avait fait. Bouddha, il était assis sur le bord d'un arbre, il bouffait une rainerie par jour, puis c'était bien simple. Lui, il ne bougeait pas de là tant qu'il n'aurait pas la conscience. Mais à un moment donné, il y a eu la conscience. Parce qu'il y en a un autre qui a essayé la même chose. Il ne bougera pas de là tant qu'il n'a pas conscience. Lui, il est mort. Je ne sais pas, ramasser deux fois de suite. C'est que lui a copié. Mais pour Bouddha, ça a fonctionné. C'est que lui a copié. Il n'a pas fait ce que c'est qu'il ressentait. Ben, évident, tandis que Bouddha a fait ce Bouddha qu'il ressentait. Bouddha a atteint la vraie souffrance. C'est ça. Ouais. L'autre, non. L'autre, lui, il était dans l'espoir. Okay. Mais le gros problème, c'est comment... Même si tu n'aimes pas parler du passé, puis je suis d'accord avec toi, puis je conviens avec toi que c'est pas avec le passé nécessairement qu'on va régler les problèmes de l'avenir. J'aimerais revenir sur par exemple, les souffrances du Nazaréen sur la croix. Le Nazaréen, avant d'être crucifié, il était au courant de qu'est-ce que c'est qu'il était pour passer. Ben, c'est lui qui l'avait manigancé. OK. Pour quelle raison? Parce qu'il... parce qu'il devait mourir en souffrant. Pour quelle raison? Parce que, à l'époque, quand l'être humain mourait violemment, c'est encore souvent comme ça pour aller... Pour tous les êtres qui ont un taux vibratoire insuffisamment haut, ça veut dire pour la majorité des humains, mais pas tous les humains. Mais à l'époque, c'était pour tous les humains, évidemment. Quand le corps physique mourait violemment, normalement, une grande partie de l'astralité très basse restait prise dans le corps physique. Ça fait que l'individu, lorsqu'il gagnait le monde de la mort, se voyait déjà dépourvu d'une grande partie du bas de son âme. Donc, il était déjà plus évolué par la mort violente. Et si possible, si le sang coulait, le sang amenait encore plus d'astralité basse de l'individu. Donc, un individu qui meurt violemment pour Dieu, donc un individu qui meurt violemment en étant conscient ou en étant braqué vers, disons, Dieu ou vers la lumière, c'est un individu qui a de très, très, très fortes chances de vivre une anégoïsation rapide juste à l'instant de la mort. Et on peut considérer qu'il sauve plusieurs vies à travers son schéma d'évolution. Puis c'est pourquoi plusieurs religions, même encore aujourd'hui, continuent à prétendre que pour rejoindre Dieu, tu dois mourir sur un champ de bataille. Donc, tu dois mourir violemment. Les Vikings l'ont dit longtemps, pour aller rejoindre Odin, il fallait que tu meurs sur un champ de bataille. Les musulmans, souvent, le croient encore. Les chrétiens, c'était la même chose. Les chrétiens, il fallait qu'ils se laissent torturer au maximum et qu'ils meurent sous le joug des Romains. Crucifiés, piqués par une lance, ça n'avait aucune importance, mais il fallait que l'humain souffre énormément. Puis le Nazaréen, à l'époque, c'était un peu la même chose. Premièrement, pour dégager le Christ de Jésus, il fallait absolument qu'il y ait une mort relativement violente de façon à déconnecter le contact qui avait eu lieu. Puis pour que l'ego de Jésus puisse... à vivre, disons, à aboutir au niveau du contrat qu'il y avait eu avec l'essence christique, il fallait qu'une grande partie de l'ego de Jésus qui soit purifiée. Donc, de ce fait, le Nazaréen est mort en souffrant. Fait que c'est sûr que c'est... qu'à cette époque, en tout cas pour lui, la souffrance a été une bonne chose. Quand tu dis qu'il l'a manigancé, est-ce qu'il l'a manigancé ou est-ce qu'il a vu... Pas Jésus, mais le Nazaréen. Jésus n'était pas au courant. Il l'a su bien assez vite, là, mais il n'était pas au courant. Mais Nazaréen avait tout prévu. Il avait prévu les Romains. Il avait prévu le gars pour le vendre. Il avait prévu l'endroit. Il avait tout prévu. Bon. Il avait le tour. Il avait même prévu, il avait bien longtemps d'avance, de toute façon, qu'il était pour mourir, pour se ressusciter, et patati patata. C'était vraiment organisé avec les anges. C'était clair, sa vision était claire qu'il fallait qu'il passe par ce chemin-là. Il l'a expliqué à différents individus avant que ça arrive. Mais à ce moment-là, il ne faisait seulement pas, c'est-à-dire qu'il n'était pas seulement en compréhension avec ce que la souffrance amenait, mais il savait ce que faisait la souffrance. Oui, il savait que... Alors, que rapidement, ce que je t'ai dit tantôt... Jésus pourrait sauter quelques années. Ce que je t'ai dit tantôt ne va pas avec ça. Je te disais tantôt que si le degré de vibration est suffisamment élevé pour le savoir, il n'y a pas besoin de vivre la souffrance. Mais dans son cas... avec ce que c'est que tu expliques, puis je vibre à ça aussi, il y avait le savoir de ce qu'était la souffrance, et puis il l'a passé à travers pareil. Mais lui, il l'a vécu simplement parce que le Christ n'avait rien à voir avec Jésus. Il fallait absolument qu'il se détache. Parce que le Nazaréen, oui. Lui-même, disons, le Christ lui-même n'avait absolument pas besoin de souffrir. D'ailleurs, il lui-même que la mécanique soit quoi que ce soit le Christ qu'il fallait qu'il se détache de Jésus ou autre chose, Daniel, le fait demeure que, c'est-à-dire qu'il y avait le savoir, L'être-té. Elle reste où? Mais c'est l'ensemble du Nazaréen. OK. L'homme. OK? Oui. L'humain qui a exprimé qu'il fallait qu'il... Ça ne dit pas qu'il fallait, mais qui était pour être crucifié, que ça lui arriverait, ça oui, lui arriverait. À cette époque-là, il faut quand même faire référence oui. Que ça fait 2000 ans. Oui, c'est que le mécanisme, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de référents sur ce que la souffrance a amené à certains individus. Tu vois, certains des Nazaréens, ce qui a amené à l'homme, c'était que plus vous allez souffrir, mieux, plus Dieu va vous aimer. Si on t'approche une joue, bien, tu tends l'autre joue. Si on vole ton manteau, vas-y tes culottes avec. Puis c'est sans arrêt comme ça. Donc, un Nazaréen avait, en tout cas, quelque part, l'illusion ou l'impression qu'effectivement, si l'humain souffrait, l'humain avancerait plus vite. Et c'est ce qui s'est passé dans l'humanité. Bon, on peut constater que les chrétiens ne sont pas plus avancés que les musulmans. Mais on peut constater que les musulmans ont autant souffert que les chrétiens. Oui, mais avec le temps, les chrétiens et les musulmans sont plus avancés aujourd'hui avec le temps. Avec la souffrance, oui, je sais. C'est la seule façon, je pense, qu'il faut le regarder. Oui, dans le passé toujours. Dans le passé. Mais aujourd'hui, c'est le passé de demain. Oh, c'est très philosophique. Mais c'est ça. Même si c'est philosophique, c'est ça. Et puis, l'humain qui souffre aujourd'hui... demain, la souffrance lui a permis de comprendre des choses, de savoir des choses. Aujourd'hui, il y a plein de lois. Et de hausser son taux vibratoire. On ne peut pas faire souffrir l'humain comme on veut aujourd'hui. Non, mais il souffre, c'est pas nécessaire vibratoirement parlant. Il n'y a pas besoin d'être pris dans la société et connaître les souffrances. Ça veut dire qu'il peut être seul dans sa chambre et souffrir une grande souffrance. Il n'y a pas beaucoup d'humains aujourd'hui qui ont de la conscience, qui souffrent d'une grande souffrance. Comparé à quelqu'un d'autre, ça paraît une grande souffrance, mais pour l'individu qui la souffre, c'est des souffrances qui sont tolérables. Parce qu'on peut constater que cette souffrance, dans ce que tu dis, on dit que quand la souffrance fait avancer l'humain, mais aujourd'hui, l'humain souffre probablement plus assez. Parce qu'il n'avance pas fort. Quand tu dis « il avance pas fort », on pourrait parler très longtemps là-dessus, parce que vibratoirement parlant, l'homme, certains hommes, avancent à un rythme effarant, comme que probablement dans l'ensemble, là, si on regarde dans l'ensemble, je ne parle pas individuellement, dans l'ensemble, comme que ça ne s'est pas produit sur la planète encore. Et pas par la souffrance. Là, je te suis pas, mais pas par la... Les gens qui avancent très rapidement actuellement, oui, le font pas tous par la souffrance. Selon moi, à date, la souffrance a été nécessaire pour propulser l'homme dans un taux vibratoire plus élevé. Oui, maintenant, selon toi, la souffrance est-elle nécessaire? Selon moi... Elle a été nécessaire, oui, ça. Oui, et je suis toujours obligé de parler au passé là-dedans. Parce que... Tu as peur de cesser de souffrir? Pardon? As-tu peur de cesser de souffrir? Non. L'homme, si... Je te parle en général, là, je te parle pas de moi. L'homme qui a souffert, tout homme qui a souffert, ne veut pas souffrir. Et sans penser positif. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que toutes les sectes disent. C'est la raison pour laquelle que toutes les sectes existent, ainsi que les religions. Les faire souffrir plus. Le maître leur laisse entrevoir qu'il y a un chemin où la souffrance n'est moins nécessaire. Puis l'être sachant lui-même qu'est-ce que c'est qu'il fait sur la planète, inconsciemment, ici, dans ses cellules, sa programmation est là. Il sait qu'est-ce que c'est que la souffrance. Il y a des gens qui détestent la souffrance à 10 ans, 11 ans, 12 ans. Mais je ne connais pas beaucoup de gens qui détestent la souffrance. Puis ils ne savent même pas ce qu'elle est encore. Mais ils détestent parce que dans leurs cellules, ils ont la programmation d'une souffrance très grande, qui n'est pas nécessairement la leur, qui est aussi celle des autres, qu'ils ne peuvent pas accepter. Et l'humain ne déteste pas la souffrance, parce que l'humain passe son temps à la chercher. Oui. Pourquoi qu'il passe son temps à la chercher, l'humain? Ah, je sais pourquoi. Pourquoi? Je te le demande à toi. Je le sais, moi aussi. Toi aussi, tu le sais? Oui. Alors, continuons. Mais alors, juste revenir sur ce point important-là, la majorité des personnes veulent souffrir parce qu'il y a des... Oui. Ils ne veulent pas souffrir consciemment. Ils sont attirés par la souffrance parce que c'est leur plan de vie de souffrir pour hausser leur taux vibratoire. Bon, moi, je suis entièrement d'accord avec toi, sauf que ce que je dis présentement, c'est qu'il y a suffisamment de mécaniques intelligentes sur la planète Terre pour qu'on puisse changer complètement cette façon-là d'avancer. Pas pour l'humanité, là. Lorsque l'humain a atteint le point qui arrive à ce que c'est que tu viens de décrire, je suis d'accord. Mais selon moi, il ne l'a pas atteint encore. Et c'est très près. Moi, ce que je veux, c'est sûr que tous les deux ont... C'est toujours très près. C'est ce que je te disais tantôt, dans aujourd'hui et demain. Et chaque jour, à chaque jour suffit sa peine. Premièrement, est-ce que... Chanceux que j'ai la grippe, toi, là. Est-ce que... Profite-en. Est-ce que l'homme est sur la planète principalement pour hausser son taux vibratoire? Non. Pourquoi es-tu sur la planète? Uniquement pour résorber complètement la création. OK. Mais... chemin utilisé pour résorber la création, c'est quoi? Son taux vibratoire. Bon, OK. Alors, si on établit que le chemin, c'est pour augmenter son taux vibratoire. La grande souffrance de l'homme, de tous les hommes, il y a une source de souffrance et une seule dans l'homme. C'est la même pour tout le monde, qui est manifestée différemment, par exemple. Et la source, c'est la même. C'est la peur. Ben, c'est la mémoire. Qui, elle, va engendrer la peur. C'est ça. Et la mémoire a été... La mémoire, c'est 90% de la constitution de l'homme. OK. Oui. Mais dans... Et 70%, c'est de l'eau. Alors, la peur, je reviens à la peur, là. Envoie-moi pas trop loin. L'eau, ouais, 70% d'eau. OK. Je viens de la comprendre. Je cherchais l'eau. OK. Mais le désir est engendré par des pensées. Bon, on revient, on arrête immédiatement sur la peur, parce qu'il y a bien des choses à entendre dire, monsieur. Parce que la peur est créée par le désir. Puis le désir est créé par la pensée, puis la pensée est créée par quoi? C'est-à-dire que l'humain vit de désir, hédonisme, antagonisme. La peur, c'est une friction entre les deux, c'est ça. C'est parce que du moment que l'humain... Premièrement, l'humain est bourré d'espoir. Puis l'espoir, c'est ce qui amène le désir. L'humain n'a pas d'information au niveau de son astralité. L'humain a uniquement des espoirs. L'humain pense que c'est de l'information, mais on ne t'informe pas que Saint-Dollar là-bas. On te donne l'espoir d'avoir le Saint-Dollar. Puis l'humain pense qu'il y a l'information qu'il y a le Saint-Dollar là-bas. Et si tu t'en vas là-bas, immédiatement, on te donne une information. Ce n'est pas une information. Tu as l'espoir qu'il y a 10 $ à l'autre place. Puis là, tu as deux informations antagonistes. En réalité, tu as deux espoirs qui vont se battre chez toi. Puis là, nécessairement, il y aura la souffrance, il y aura la peur de manquer son coup, etc. Il y aura le désir qui va apparaître entre les deux. Puis quand je dis que l'humain vit d'un désir agoniste, antagoniste, ça, il faut que l'humain mette fin à ça, et c'est évident. Mais l'humain, c'est sûr que dans ce que tu dis, c'est extrêmement... C'est tout vrai. C'est dommage que je te le dise, là. Mais ça fait plaisir. Mais c'est vrai. Non. Mais si l'humain veut être riche, l'humain veut ne pas être pauvre. Automatiquement, l'humain veut les deux affaires en même temps. Puis la friction entre le désir goniste et le désir anti-antagoniste va engendrer la peur. Ça veut dire qu'il faut que l'humain ne veuille plus vouloir être riche pour cesser de vouloir ne pas être pauvre. Donc, il n'aura pas peur d'être pauvre. Puis toute la mécanique psychologique de l'humain est basée là-dessus, c'est que si l'humain veut être loin, il veut ne pas être prêt. Puis la friction entre les deux va engendrer la peur d'être prêt, donc la peur de ne pas être loin. Bon, ça veut dire que si l'humain cesse de désirer, automatiquement l'humain n'a plus peur. Puis si l'humain n'a plus peur, bien nécessairement, l'humain tel qu'on le connaît actuellement, il s'écrase sa chaise et il meurt. Sauf s'il est content avec l'intelligence, d'être capable d'accomplir des choses. C'est le seul temps où il peut... Parce que tout ce que tu viens de dire est réel. Ben oui, ça, je sais. Et si on remonte plus loin à la source, c'est que les désirs ont été engendrés par des pensées. Ah, ben ça, c'est okay. Pas le choix. L'humain était tellement... Puis les pensées ont été engendrées par quoi? Uniquement l'expérience du passage de l'humain dans le contexte atmosphérique, dans le contexte matériel, dans le contexte planétaire. OK. Et par qui? Ça, c'est une question que je veux pas trop te répondre parce que... Ben, c'est la clé, là. On arrive à ça, là. Parce que tantôt, tu observes qu'est-ce que c'est qui se produit. Ah, mais tu le décris. Non, aucunement. Tu décris. Sors pas de la. Tu décris qu'est-ce que c'est qui s'est passé. Tu décris qu'est-ce qui se passe. J'en conviens, mais on va remonter à la source. Tantôt, on... Ce qui engendre la souffrance, c'est la peur. Ce qui engendre la peur, c'est le désir. Ce qui crée le désir, c'est la pensée. Qu'est-ce que c'est qui crée la pensée dans l'homme? C'est là le problème qui est le même pour tous les hommes, et c'est pour ça qu'ils souffrent. Bon, mais c'est pas la... Et tantôt, comme tu dis, lorsque l'homme enlève ses désirs, l'homme, il peut pas enlever ses désirs comme ça. Il faut aller un niveau plus haut, selon moi, qui est dans la pensée, parce que la pensée, c'est elle qui crée le désir. Puis comment est-ce qu'elle fonctionne, la pensée, puis qu'est-ce qui fait la pensée dans l'homme? Et puis là, on a... La clé qui crée la peur dans l'homme, inconsciente. On n'a pas la clé, on a la cause. La cause, c'est-à-dire, excuse-moi, pas la clé, la cause, qui crée la peur dans l'homme. Et ayant ça, là, on peut dealer avec la souffrance. Ah, oui, j'arrive de Nassau. Ouais, c'est grave. Et puis... J'arrive de... Et puis, à ce moment-là, lorsqu'on a le taux vibratoire, parce que c'est pas tout de le comprendre, ça va juste te permettre de ne pas te choquer quand que ça arrive. Et de faire comme le Nazaréen a fait, de le comprendre puis l'accepter. Accepter la souffrance. Parce que lorsqu'il n'y a pas compréhension de ce que la souffrance est, il y a peut-être des gens qui peuvent l'accepter. Mais je pense qu'à un certain niveau, tu peux pas accepter. Il faut que tu défonces ça. Officiel. Parce que si tu acceptes, c'est que tu n'as pas cette conscience, tu comprends. Donc, en réalité, tu n'acceptes pas, c'est que tu n'es pas capable de souffrir suffisamment pour te rendre compte que tu souffres. Mais, par contre, à un moment donné, il faut que tu acceptes aussi que ça fonctionne comme ça. En tout cas, il faut que tu tolères. Parce que si tu acceptes... Quelle est la différence entre tolérer et... Mais tolérer, c'est que... Moi, je vais tout changer à un moment donné, mais pour l'instant, je suis pas capable, ce qui fait que je comprends le principe. Accepter, ça veut dire que tu ne changeras plus rien, c'est comme ça. Non, c'est pas ça que je voulais dire par accepter. Je voulais dire accepter... OK. C'est ce que le Nazaréen a fait. Il a accepté. Pour le temps où il était là, il l'a accepté, il l'a pas toléré, il l'a accepté, sachant que ça accueillerait son camp, puis qu'il ne resterait pas assez longtemps pour changer quoi que ce soit. Mais quand tu n'acceptes pas, quand tu n'acceptes pas, tu ne tolères pas, excuse, parce que c'est pas moi qui vais faire la conférence, là, mais je veux savoir ça, quand tu n'acceptes pas et que tu ne tolères pas que la souffrance... est justifiable pour hausser le taux vibratoire. Tu dépends, l'individu dépense énormément d'énergie, Daniel, à tout vouloir défoncer. Si quelqu'un qui accepte la souffrance, souffre-t-il moins? C'est ça que je voulais dire tantôt. Non, il ne peut pas souffrir. C'est-à-dire, la compréhension, arriver là, à ce que toi, tu ailles chercher. Est-ce que, justement... Non, je comprends, mais quelqu'un qui accepte la souffrance, souffre-t-il moins? Non, qui accepte pas la souffrance, mais qui accepte... Non, la question est simple. Ben, tu me poses la question, Oui ou non? Quelqu'un qui accepte la souffrance... Est-ce qu'il souffre moins? Il souffrira pas moins. Mais ça dépend dans quel contexte que tu me poses la question. Est-ce qu'il J'ai appris de toi. Il va probablement souffrir autant, seulement qu'il ne dépensera pas l'énergie de ne pas l'accepter, qui était l'énergie dont je t'ai parlé tantôt. Il va dépenser moins d'énergie. Donc, la souffrance vibratoire va être aussi forte. T'es rusé. Mais... Je ne suis pas un rusé. En tout cas, c'est rusé. Parce que si tu regardes le passage, premièrement, moi, ce que je dis, tu es d'accord avec moi, mais pour l'an 3000, c'est que l'être humain a la capacité actuellement, pour pas l'être humain planétaire, là, mais il y a plusieurs personnes ici qui continuent à rechercher la souffrance, du moins être attirées par la souffrance, donc à la rechercher involontairement, continuent à souffrir. Ils ne souffrent jamais suffisamment pour arriver à être capable de se conscientiser comme avant. Parce que la majorité des individus actuellement, c'est « Ah, ici, tout doit faire bouger un petit peu, là. » Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment comme si on leur disait « Écoute, t'en as encore 3 ou 4 000 ans à souffrir, fait qu'on vient lentement. » Il n'y a pas d'accélération, à part pour certains individus. Pour la majorité, ils ne souffrent vraiment pas suffisamment. Pourquoi? Parce qu'ils récidivent, ils recommencent les mêmes conneries sans arrêt, donc ils n'ont toujours pas été capables d'atteindre un taux vibratoire suffisant pour les faire changer ou pour donner de la valeur à leur vie. Ils continuent à niaiser leur vie, à perdre leur vie. Ils ne souffrent pas suffisamment, c'est pas long. Maintenant, ce qui est important, moi, ce que j'ai toujours expliqué, ce que je sais, c'est qu'il y a un moyen pour certains individus d'être capable de cesser de vivre l'expérience de la souffrance pour être capable de continuer à avancer. Puis c'est évident que, ou tous les deux, on a raison, même si on pourrait s'obstiner là, c'est que... Puis ça, je suis d'accord, totalement d'accord avec toi, on va en parler en masse, totalement d'accord avec toi. L'important, surtout, c'est de faire comprendre aux gens que présentement, ils sont dans un... empire ou sous l'emprise de la souffrance, qu'ils n'ont aucun outil actuellement réel chez eux pour s'en sortir. Ils ont des informations, Ils n'ont pas d'outils pour s'en sortir. Ça veut dire que 100% des humains qui se conscientisent, probablement par moi, ne sont pas capables d'avancer autrement qu'en souffrant. Et ça, on est d'accord. Moi, ce que je dis, c'est que si l'humain, mon pays, il y a suffisamment d'énergie et d'intelligence présentement dans le contexte québécois, en tout cas, à l'échelle planétaire, pour que certains individus puissent se brasser suffisamment les... Tous les individus, on va se rendre compte que c'est faux, il n'y a pas un seul ici qui est prêt. Les individus qui sont ici sont tous prêts à souffrir. Mais effectivement, ils ne veulent pas souffrir dans leur intelligence, ça c'est évident. Astralement, la majorité ne cherche que ça, la souffrance. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'ils vont tomber dans n'importe quel petit piège niaiseux, piège d'orgueil, piège de jalousie, piège de n'importe quel mot de niaiserie. Il va falloir qu'on jase suffisamment pour que les gens comprennent qu'effectivement, moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens voient la souffrance comme toi tu la vois, comme je la vois, puis que finalement, les gens puissent comprendre aussi, toi aussi, tu sais, mais qu'il y a effectivement une ouverture qui est prête. Puis quand je dis prêt, elle est applicable à partir de maintenant. Et ça ne veut pas dire que les gens vont l'appliquer tout de suite. Il y a effectivement un chemin totalement différent qui a été présenté, qui n'a pas été présenté à l'humain jusqu'à date. Parce que le Nazaréen, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enseigné à l'humain comment souffrir moins de la souffrance. Et là, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il souffrait autant énergétiquement, mais il souffrait moins dans son corps humain. Bon, donc, il souffrait autant, mais il ne souffrait pas de la souffrance. Alors, on lui disait, écoute, accepte. Bouddha a enseigné la même chose. Bon, la majorité des grands initiés qui sont passés ont enseigné la même chose. Ils ont enseigné à l'humain comment ne pas souffrir de la souffrance. Mais effectivement, ça n'empêchait pas qu'énergétiquement, une chose stupide reste aussi stupide. Donc, énergétiquement, la souffrance reste la même. Tu fasses comme ça? Absolument. C'est ça. Mais il y a, on est rendu à un point où il y a moyen de changer ça. Il y a 500 ans, on était rendu à un point comme ça aussi. Il y a 1000 ans aussi, aujourd'hui aussi. Il ne faut pas appeler d'y parler, qu'on ne voit rien. Peut-être. Plus qu'on avance, plus qu'on se rapproche du point que tu dis. Tu as totalement raison, puis tu n'as pas raison, tu as tort. Mais plus qu'on avance, parce que le taux vibratoire se hausse constamment, individuellement et dans l'ensemble. Alors, plus que le taux vibratoire se hausse, plus qu'on approche cet état d'être que tu as mentionné, d'atteindre ce chemin qu'on peut passer à côté. Maintenant, OK, ça c'est aujourd'hui, mais je veux revenir au Nazaréen, parce que je pense que c'est plus facile de parler du Nazaréen que, dans certains exemples, que des individus aujourd'hui vivants. Si on prend le Nazaréen, sa souffrance, comment aurait-il pu passer à côté de la souffrance pour faire son corps de lumière avec les explications que tu as données tantôt? Bon, quand tu parles du corps de lumière, il y a eu deux corps de lumière qui ont été créés dans la division du Nazaréen, sur la croix. Il y a eu un double éthérique pour Jésus, puis il y a eu un corps de lumière pour l'entité christique. Ce corps de lumière-là, c'est celui-là qui est apparu en Amérique, qui est apparu pour ça devant les apôtres, etc. Puis le double éthérique de Jésus, c'est celui-là qui a récupéré l'ego, enfin l'âme de Jésus à la mort du corps physique. Puis celui qui a identifié, c'est les deux ensemble. Celui que? Qui l'a identifié. Je parle de celui-là. Celui qui a identifié, c'est uniquement le corps du Christ. Ça n'a pas été du tout le corps de Jésus. OK. Bon, mais c'est celui-là que je parle. Bon. Alors, repose la question maintenant en fonction de celui-là. Bon. Pour atteindre ce point-là, il était au courant qu'il fallait qu'il passe une grande souffrance. Mais c'est-à-dire qu'il était au courant qu'il fallait... Lui, le Nazaréen n'a pas souffert. Il était d'accord à passer une grande souffrance. Non, il était d'accord pour faire souffrir Jésus. Il était... OK. Parce que lui n'a pas souffert. Lui, il savait très bien qu'il fallait qu'il y ait de la souffrance dans le corps planétaire pour que ça se divise. L'homme dans l'ensemble a souffert. Oui. Mais l'homme dans l'ensemble. Il était conscient qu'il fallait qu'il souffre puisqu'il y a été. Mais si, avec telle que ta conception de la souffrance, telle que tu la vois, que l'homme va la vivre et on veut tout arriver à ça. À quoi? À passer à côté. L'humanité, non. Les sectes ont existé, les religions existent pour ça, parce qu'un jour, il n'y aurait plus de souffrance. Oui, mais les religions font plus souffrir l'humain que ceux qui ne sont pas dedans. Les sectes font plus souffrir l'humain que ceux qui ne sont pas dedans. Ils veulent pas. L'homme, inconsciemment, il recherche une façon de ne pas souffrir sur la planète. L'homme, inconsciemment, recherche le maximum pour souffrir. Quelque part, chez lui, il essaie de tout faire pour ne pas souffrir. Oui, pour passer à côté. Pour passer à côté. Puis, quand il arrive devant une grosse maison, c'est écrit « souffrance majeure à l'intérieur », bien là, lui, il dit « il faut que je fasse le tour de la maison ». Mais encore qu'il se fasse fourrer, bien, il rentre voir si c'est vrai qu'il a souffrance en dedans. Une fois qu'il est rentré, là, il souffre. Puis quand il sort, il dit « je le savais ». Est-ce qu'il avait le choix de ne pas rentrer dans cette maison-là? On sait qu'actuellement, l'humain n'a pas le choix. Bon, c'est pour ça que je dis que présentement, l'humain peut facilement cesser d'y aller. Il n'y aura pas plus de choix. OK. L'expérience n'est pas nécessaire, que tu dis. Ah, mais simple, est-ce qu'il va hausser, pour hausser son taux vibratoire, comme s'il avait l'expérience? Oui, l'humain a la capacité d'apprendre sans expérimenter. Oui. Quoi que ce soit. OK. Aujourd'hui, il est rendu à ce point-là. Non, aujourd'hui, il y a la possibilité de le faire. OK. L'humain n'est pas encore rendu à ce point-là, mais c'est faisable. Cette possibilité-là existe depuis très longtemps. Parce que, il y a 3000 ans, on entrevoyait cette possibilité-là, mais elle n'a pas fonctionné. Non, c'est pas pareil. Ben, ceux qui l'ont vu, il y a 3000 ans, Daniel, qui avaient une possibilité... Mais il y en a qui ont réussi à avancer leur taux vibratoire sans souffrir. C'est pas de ceux-là qu'on a parlé, c'est bien évident. Il n'y a rien de plus plate qu'un gars ou une fille qui arrive à évoluer sans souffrir. On a parlé des autres. Est-ce que ce sont des initiés qui ont fait leur corps de lumière, ça? Pas des initiés que tu connais. Non, c'est pas ça que je demande. Est-ce que ce sont des initiés qui ont fait leur corps de lumière, ceux qui n'ont pas souffert? Oh oui. OK. Est-ce qu'ils étaient entièrement humains ou s'ils avaient eu une connexion comme le Nazaréen? Ils n'étaient pas entièrement humains. Bon, non, alors ça, nous, on est entièrement humains ici. Donc. Il y a de plus en plus de possibilités de ne pas l'être. À la naissance, je parle. Oui, mais ça change. On n'a pas été conçu par le Saint-Esprit, là. C'est ce que je veux dire. Tu n'as pas été conçu par le Saint-Esprit, là? Eh bien. fait des choses que l'humain ne sait pas. La conception, elle se continue en s'en allant. Pas besoin d'avoir été conçu biologiquement par le Saint-Esprit. De toute façon, le Saint-Esprit n'a jamais réussi à faire des corps solides. Non. Mais par contre, son intervention, comme dans le cas du Nazaréen, permettait à l'être, à l'âge de 12 ans, 10 ans, 15 ans, de comprendre des choses que nous, on comprend, on réussit même pas à comprendre aujourd'hui. Je sais, mais ça, il ne faut pas qu'on regarde comme ça. Non, mais ton exemple, c'est l'exemple de gens comme ça, Daniel. C'est, oui. c'est ce que j'arrive bon, okay. à maintenant, dire. Bon, OK. Maintenant, ce qui arrive aujourd'hui, alors, c'est que... on ne peut pas prendre ces exemples-là pour nous qui n'ont pas passé par le même chemin. Bon, il faut prendre des exemples, je pense, pour nous, tels oui. qu'on a été conçus. Maintenant, je suis entièrement d'accord. On parle suffisamment pour passer suffisamment de choses au niveau de l'astral, mais une chose est certaine, c'est que actuellement, c'est bon, tu as raison, la majorité des... Ben, tout le monde n'est pas... est né d'un moule où la souffrance fait partie du cheminement intégral de leur évolution, de leur conscientisation jusqu'à la fin de leur vie planétaire, probablement encore pour quelques vies. Bon, encourageant. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que l'humain, le taux vibratoire de la planète au complet a augmenté depuis 2-3 000 ans. Que le taux vibratoire de certaines génétiques a augmenté à travers les taux vibratoires de l'humanité. Donc, il y a des êtres qui ne sont pas nés du Saint-Esprit, mais que, franchement, ça concurrencie pas mal ce que le Saint-Esprit peut faire. Et il y a aussi des êtres qui sont nés du contact avec le Saint-Esprit, qui ont la possibilité d'entrer en contact avec les êtres humains qui ont une génétique intéressante. Et là, bien, je vais te dire une chose, où tu as raison et où j'ai raison, c'est important, puis il va falloir à un moment donné que les gens brisent quelque chose pour arriver à traverser ça. C'est que présentement, il y a toute l'histoire de l'humanité au complet qui avance, puis il y a juste à côté, quelque part, l'histoire des mondes nouveaux qui est là. Bon, c'est évident que l'histoire du monde nouveau a toujours été à côté de l'histoire de l'humanité, sauf qu'aujourd'hui, ils sont simplement plus près l'un de l'autre, mais ils ont toujours été à côté. Ça veut dire que l'humanité a toujours eu accès à l'information des mondes nouveaux. Et le monde nouveau n'a jamais eu lieu. Pourquoi? Peut-être qu'il y a eu lieu de là bien longtemps, là, une décision. Mais le monde nouveau n'a pas lieu. Pourquoi? Parce que l'être humain n'a pas la capacité de s'en rapprocher, des mondes parallèles. Aujourd'hui, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement près. Il faut à peu près rien. J'ai, moi, l'information qu'il faut. Et toi, tu auras raison en disant que l'information que tu as, les humains ne peuvent pas appliquer ça. Bon, ça, je suis d'accord. Et à un moment donné, ce qu'il faut, il faut que certains humains finissent par être capables d'abdiquer totalement leur vie d'humain pour faire le choix pour faire ce que j'appelle le choix de l'homme nouveau. Donc, pour finalement uniquement servir leur intelligence, pas la mienne, la leur. La problématique, c'est que l'humain ne peut pas le faire parce que l'humain recherche sans arrêt la stimulation pour se rappeler qu'il vit. La stimulation engendre la pensée engendre le désir engendre la peur l'amène à souffrir, pour qu'il comprenne finalement ce qu'il savait au début. Mais il a augmenté son taux vibratoire. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? L'important, ce n'est pas ce que tu comprends, c'est ton taux vibratoire qui est important. Tu comprends, tout ce que tu comprends aujourd'hui ne sert à rien quand tu changes de monde. Donc, ce que tu comprends n'a rien à voir, c'est une expression très résiduelle de ton taux vibratoire à l'échelle planétaire. Mais tu comprends des choses différentes de moi pour ne pas être au même point vibratoire, ça n'a vraiment rien à voir. Bon, ce que moi je peux amener à l'humanité, à l'humain, c'est la possibilité effectivement de totalement cesser de souffrir. Et moi, ce que je sais, c'est que je voyage suffisamment entre le monde, on parlera d'un monde plus intelligent, et le monde actuel. Et il y a des façons, parce que dernièrement, j'expliquais clairement que l'apothéose ne suit pas l'apocalypse, elle est parallèle à l'apocalypse, puis l'humain a le choix de vivre dans l'apocalypse ou de changer carrément de monde, de vivre dans l'apothéose. Maintenant, la majorité des personnes se disent, après l'apocalypse, va venir l'apothéose. Après l'apocalypse, si tu as finalement usé toute ta souffrance là-dedans, bien, il ne restera plus de monde, donc tu iras voir le monde de l'apothéose. Ça peut durer un an, peut durer 1 000 ans, peut durer 13 800 ans. Mais on peut immédiatement changer de monde. Pas changer le monde, changer de monde. Là, ce qui arrive, c'est que la majorité des êtres humains ne sont pas encore capables d'appliquer, puis ça, on le sait, c'est d'ailleurs c'est le gros de la problématique humaine, c'est que la majorité des gens ne sont pas capables de mettre 100% leur vie à leur service. Ils mettent 95% de leur vie au service de l'astral. Puis on va dire 5% pour être optimiste. Il y a 5% de leur vie qui leur sert. Il faut que les gens parviennent à mettre leur vie à leur service, ce que l'humain ne veut pas faire. Je t'écoute, je suis d'accord avec toi, et ceci me rappelle ce qui suit. La façon que tu le décris, l'homme peut prendre la décision et le faire. Ça me fait penser à quelqu'un qui fume beaucoup, qui est pogné par la cigarette, puis qui veut arrêter de fumer. Quand il est prêt, il arrête de fumer. Mais il peut se sentir prêt très souvent, pendant très longtemps, avant d'être capable d'arrêter. Mais quand le temps arrive, quand le taux vibratoire est suffisamment haut, ça se fait facilement. Exact. Mais c'est la même chose pour la souffrance. Sauf si ton fumeur décide quelque part dans son intelligence de cesser de fumer immédiatement. Donc, il va accepter de souffrir, donc de couper avec l'astral. Il va souffrir un peu plus. Ça veut dire qu'il faut qu'il lâche tous ses amis qui sont fumeurs. Il faut qu'il lâche d'aller dans un endroit où ça fume. Il faut qu'il coupe complètement avec ce monde-là. Il va probablement cesser, il va même cesser de fumer beaucoup plus rapidement. Est-ce qu'il va être capable de maintenir de cesser de fumer? Et il n'essayera même pas. Parce que s'il va dans une clinique de jeûne, il va arrêter de fumer, mais 60 jours après, il peut recommencer à fumer. Parce qu'il retourne dans le monde où ce qu'il ne faut pas. Parce qu'il n'a pas été à la source de... Parce qu'il retourne dans le monde où ce qu'il ne faut pas. Regarde, pourquoi tu as raison, puis pourquoi j'ai raison, c'est que tu as les lois actuelles de l'ère du poisson, puis tu as les lois actuelles de l'ère nouvelle, de l'ère de l'intelligence. Disons que ta clinique de jeûne, c'est l'ère de l'intelligence. Quand il lâche l'ère de la mémoire pour aller dans l'ère de l'intelligence, il ne fume plus. Puis après ça, il décide de revenir dans l'ère de la mémoire pour essayer d'appliquer ce qu'il a vu dans l'ère de l'intelligence. Il se fait ramasser immédiatement. Parce que ce que tu dis là, toi, c'est des lois qui sont totalement réelles, totalement rigides dans l'ère de la mémoire. Mais il faut que notre individu lâche ce monde-là. Non. Et oui. Voici pourquoi. Non, mais voici pourquoi. Pourquoi tu as tort après? Mais je vais te dire pourquoi que tu as tort avant. Et voici. Lorsque l'individu, même exemple, un autre individu va dans une clinique de jeûne et lui, il est prêt d'arrêter de fumer, il revient dans l'environnement qui lui tend des pièges, mais qui l'agace pour recommencer à fumer. Ça ne le dérange pas du tout. Parce qu'il était prêt à ce moment-là. Oui. L'autre qui recommence parce qu'il n'y est pas prêt. Non. Ils sont tous les deux placés dans un environnement pour recommencer. Puis il y en a un que c'est pareil comme s'il n'avait jamais fumé. Puis l'autre, il tombe. Exact. Maintenant, regarde ceci. Alors, il y en a un qui était prêt. Oui, sauf qu'il est prêt par rapport aux lois du poisson. Puis l'autre, il n'est pas prêt par rapport aux lois du poisson. Mais si les deux déménagent dans ce monde-là, les deux sont prêts par rapport aux lois d'intelligence. Ça veut dire que tu as une personne qui cesse de boire dans la souffrance, puis quand à un moment donné, dans le monde des alcooliques, elle cesse de boire, elle est prête. Elle déménage, par exemple, dans le village of ça. Elle est prête. Tu as une autre personne qui, dans le monde des alcooliques, boit, elle déménage dans le village of ça, elle se fait une queue, puis elle ne boit plus jamais. Et si tu la ramènes là, elle commence à boire. Mais de toute façon, elle n'a pas à revenir là. Fait qu'on s'en fout. Fait que tu la ramènes dans le village of ça. Les deux sont prêts dans le village of ça. Et si tu les ramènes dans leur monde bordélique, il y en a juste un qui va être prêt. C'est pour ça que je te dis que j'ai raison. On a raison tous les deux. Mais moi, ce que je te dis simplement, c'est qu'il faut absolument que l'humain comprenne que quand tu fais un changement de monde, tu fais un changement de monde. Okay. Puis que les lois qui s'appliquent à l'ère ancienne ne sont pas les lois qui s'appliquent à l'ère de l'intelligence. Ce que tu viens de me décrire, là, ce que moi je perçois, là, c'est que les deux individus, là, il y en a un qui, lui, ne reboira pas. Quoi que importe, peu importe si, la situation, parce que lui a atteint le taux vibratoire pour ne plus boire. Dans l'autre, comme tu dis, on s'en fout, on va le renvoyer dans ça pour ne pas qu'il boive. Il ne boira pas, là. Il ne boira pas. Alors, mais lui, vibratoirement parlant, n'a pas le niveau pour supporter, même dans ça, il va y arriver quelque chose. Il n'a pas le niveau pour supporter. Non. Qu'est-ce que c'est la situation comme l'autre l'a eu? il peut pas rester ça. Il peut pas être individuellement, proportionnellement à son taux vibratoire comme l'autre. Il n'y aura aucun problème, je vais t'expliquer pourquoi. L'être humain avance au niveau d'un paquet de schémas de taux vibratoire en même temps, c'est-à-dire que l'être humain a comme plusieurs longueurs d'onde à faire avancer. Alors, quand ton taux vibratoire augmente, il augmente sur la longueur d'onde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À un moment donné, ce qui arrive, c'est que la longueur d'onde numéro 4, par exemple, c'est la longueur d'onde qui, dans le contexte de l'ère ancienne, te bloque le plus. Ça peut être la gêne, ça peut être la drogue, ça peut être bon. Les autres taux vibratoires ont de la difficulté à avancer parce que toute ton énergie est canalisée vers le taux vibratoire qui est problématique. L'individu qui, à un moment donné, règle son problème d'alcool parce que c'était le temps, c'est-à-dire qu'en réalité, parce que l'ère ancienne, selon ses lois, libère l'individu va maintenant commencer à avancer. Là, il va avancer jusqu'à temps qu'un autre taux vibratoire soit planté. Ça peut être le 9, ce coup-là. Le 9, ça peut être la jalousie. Là, lui, il n'a jamais été jaloux avant. Là, il ne boit plus, ça va bien. Mais à un moment donné, c'est ramassé quand même dans l'air du poisson, mais là, c'est au niveau de la jalousie, un exemple. Si tu prends ton individu qui ne boit plus, puis tu le mets dans le village of ça, il va continuer à avancer au niveau de ses taux vibratoires parce qu'il est libéré au niveau des problèmes, jusqu'à temps que le niveau 9 plante la même chose. Il va être jaloux, l'osé. L'individu qui, lui, est bloqué au niveau du niveau 4, par exemple, lui, il boit. Tu le mets dans le village of ça, niveau 4 n'a plus de problème, il se met à avancer. Même chose que l'autre, il va planter peut-être au niveau 9, sur l'onde vibratoire 9, avec la jalousie. Même chose que l'autre, dans deux semaines, dans deux ans, ça n'a rien à voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es capable de créer un contexte, mais c'est évident qu'on s'entend que ce n'est pas de prendre un être humain qui fume la marde, tu le mets dans un contexte parfait, il va être correct, c'est faux. Mais quand tu prends un être humain qui a la capacité d'intelligence, comme la majorité l'ont ici, mais qui sont bloqués dans l'ère ancienne par rapport à... Parce que quand je parle de 10 taux vibratoires, il y a probablement 100 000 de taux de longueur d'onde différentes à faire avancer. Bon, l'humain est bloqué sur 20, 30, 40 000 longueurs d'onde. À un moment donné, il en règle une, il avance un petit peu, il plante sur l'autre à côté, il met son énergie là-dedans, il avance un peu, il plante un autre là-bas. Si tu es capable de prendre, de faire vibrer suffisamment l'intelligence, minimum au niveau vibratoire du plan mental, bon, même si le reste c'est de la merde, au niveau vibratoire du plan mental, puis que par la suite l'individu au niveau vibratoire du plan mental accepte de déménager le monde, bon, bien si, bien évidemment, quand je parle d'accepter, il faut qu'il y ait suffisamment de vibrations dans son mental pour être capable d'accepter. Il ne faut pas que ce soit une vibration motivée par ma présence, par exemple. Bon. Il faut que ce soit une motivation motivée, même quand il dort, même quand il s'en va sur la rue, même n'importe où sur la planète. Bon. Alors, lui, là, s'il est, lui ou elle, s'il est, il a suffisamment de motivation, s'il déménage dans un monde intelligent, la majorité des problèmes qui existent actuellement, qui l'empêchent de devenir intelligent dans le monde mémoriel où il est, disparaît, parce qu'il n'y a plus ces problématiques-là. Puis là, son taux vibratoire va commencer à avancer la même chose. Puis notre être humain, si, dans un contexte plus adéquat, là où il y a un paquet de petites choses qui sont différentes, va être capable de continuer par l'instruction à aller chercher, par la parole donc, à aller chercher suffisamment d'énergie pour continuer à hausser son taux vibratoire sans vivre l'expérience de la souffrance, minimum en la vivant d'une façon beaucoup plus courte et beaucoup moins intensive que ce qu'on a actuellement. C'est parce qu'il était prêt à vivre ça. Non. C'est pas parce que dans d'autres vies, il s'était préparé. Non, et lorsqu'il a pris corps physique, son âme avait une certaine expérience qui vit ça. Bon, on va faire un dessin. Un dessin vaut plusieurs mots. De quoi? Un dessin vaut 100 000 mots. Ah. On parle de souffrance, on va faire un dessin. Vaut 100 000 mots. L'humain avance. Bon. Et on a ici l'ère, par exemple, de l'intelligence qui commence. Bon, effectivement, si un humain est capable d'avoir un taux vibratoire rendu à un certain niveau, automatiquement, il va être catapulté de l'autre côté. Bon, c'est ce que plusieurs personnes recherchent, avoir un taux vibratoire suffisamment élevé. Et eux, dans leur contexte philosophique, ils se disent, après l'apocalypse, l'apothéose. Moi, ce que je dis, c'est qu'on est rendu présentement au niveau planétaire à un point où l'être humain est peut-être ici, là. Ça veut dire que l'être humain a la capacité de changer de monde immédiatement. Il a la capacité, c'est-à-dire que c'est permis. Puis où tu as raison, et ça, c'est un des grands, grands, grands, grands dilemmes de l'humain, c'est il peut, mais il ne peut pas vouloir. Ça ne sert à rien, donc, de pouvoir. Parce que ce n'est pas le temps. Bon. Maintenant, ce qui arrive, c'est que c'est suffisamment le temps si on est capable de descendre la bonne valeur énergétique dans la conscience des individus. Si on est capable de descendre la bonne valeur énergétique dans la conscience des individus, il y a des individus qui vont être capables de changer le monde ici. Puis là, toi, ce que tu vas dire, c'est que s'ils changent le monde avant d'en arriver là, ils ont changé quand ce n'était pas le temps. Non. Moi, je suis d'accord avec toi, ils changent quand ce n'est pas le temps ici, mais ils changent quand c'est le temps ici. Les valeurs sont extrêmement différentes. Ce que je veux dire, moi, Daniel, c'est ton petit point, puisqu'une multitude de lignes qui parlent, au-dessus de la ligne horizontale, c'est que où, pour se rendre là, il y a le récipient suffisamment solide pour le percevoir. Oui. Bon. C'est ça que je veux dire. Et c'est évident qu'à travers le passé, notre humain finit par avoir un corps qui l'amène au moins ici. Ça, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont rendus un peu en haut du point, pas beaucoup, qui peuvent traverser là, qui continuent à rester sous le jeu de l'ère ancienne, puis à se promener, puis à un moment donné, ils vont arriver ici. Ça, ces gens-là, ici, ils suivent l'évolution que tu parles, celle, évidemment, de la souffrance, puis celle où ils attendent d'être prêts. Puis effectivement, c'est tellement banal. Tu peux dire qu'un être conscient ne devrait plus jamais se disputer. Mais il se dispute encore. Un être conscient ne devrait jamais s'ennuyer. Mais il s'ennuie encore. Oui. On a des êtres conscients ici, là. Bon, un être conscient ne devrait jamais plus être en colère contre l'humain. Bon, mais ils le sont encore. Bon, un être conscient ne devrait jamais penser que Dieu les barbite. Mais il agit comme s'il y en avait. Bon, je le sais. C'est pour ça qu'il faut rentrer. Il y a quelque chose énergétiquement qui s'en vient, qu'on peut rentrer dans l'humain. Il manque. C'est que l'astral est extraordinairement puissant. À travers les jeunes, ça peut se faire. Tous les adultes vont s'interposer. À travers certains adultes, ça peut se faire. Les autres adultes vont s'interposer. Il y a... Mais ça, c'est pas parce que ces personnes-là ne sont pas prêtes. C'est parce qu'il y a des ennemis sur la planète. Des ennemis... Je parle comme un saint, là. Pardon? Tu parles comme un saint. Un saint. Je pense que tu parles comme ça. Un saint? Oui, un saint. Ah, je comprenais un saint. Ah, un saint? Oui, je pense que là. Moi, je comprenais un saint. Il faut revenir à la base. Yeah, m'a expliqué une chose. Il faut revenir à la base et régler la base. Lorsque la base est réglée, que ce soit la souffrance qui l'est réglée, on n'a pas besoin de revenir à la base. Chose. On peut se dire... Oui, parce que l'humanité ne sait pas ce que c'est qui est la base. Elle a pas besoin. L'homme ne connaît pas le problème. Mais pas lorsqu'il besoin. Le sait, le problème qu'il fait souffrir, quelle place qu'il est le problème qu'il fait souffrir, et c'est la même chose pour tous les individus qui sont sur la planète. L'humain n'a pas besoin d'aller à la base. Puis plus l'humain va vouloir passer son perte du temps à rechercher la base, plus l'humain va se perdre dans la matière. Là, on va tellement lui en donner de l'information, on va tellement le mélanger puis le fourrer à l'os, l'humain n'arrivera pas à trouver la base. Non, c'est très simple. C'est comme par exemple, toi tu veux conduire ton automobile. La base, c'est la pensée, Daniel. C'est oui, la seule base. Mais si l'homme ne le sait pas, il n'a pas atteint le taux vibratoire pour le comprendre et le savoir après. Mais c'est loin d'être la base. Là. On peut fouiller en maudit au niveau de la pensée. De toute la souffrance de l'homme débute par la pensée. Ça, c'est évident. Ce n'est pas la base. Non. Disons, la base pour l'homme qui peut commencer à travailler. Okay? Ben, parce qu'autrefois, ce n'était pas décrit que la base de la souffrance, c'était la pensée. On était très loin. Il n'y a personne qui l'a, en tout cas, que j'ai entendu. On n'a jamais publié ça, on n'a jamais propagé ça, que la base de la souffrance, c'était la pensée. C'est-à-dire que ça a été amené, disons, d'autres façons, là, mais c'est quand même assez connu, parce que depuis le début des temps, Il y a des techniques pour essayer de contrôler sa pensée, parce que finalement, c'est le bordel total. Oui. Au niveau de la pensée. Bon, okay. Du monde, il savait. Alors, si tu veux, je vais changer. Ce n'est pas la base, ce n'est pas la pensée. La base, c'est comment fabrique-t-on la pensée dans l'homme. Oui. Là, t'es d'accord? Oui, puis bon, moi, je te dis que l'humain n'a pas besoin. L'humain n'a pas besoin de savoir. On peut aussi, on peut. Il n'a pas besoin de le savoir, mais à ce moment-là, il va avancer par ignorance. Il va souffrir. Non, il peut avancer par intelligence sans souffrir, sans connaître. L'intelligence sans savoir ce qui se passe? Il n'a pas besoin de savoir ce qui se passe s'il change de monde. Qu'est-ce que tu entends par changer de monde? Comme par exemple, moi, je pars de Somalie, puis je veux déménager au Québec. Non, mais dans la réalité, qu'est-ce que tu entends par... Bon. Alors, moi, je pars de Somalie pour m'en venir au Québec. Est-ce qu'il faut que je connaisse toute l'histoire de Somalie avant de déménager au Québec? C'est pas un exemple qui est valable avec ce que c'est que tu disais tantôt. Mais oui. Peux-tu me répéter qu'est-ce que c'est que tu as dit? Oui, je sais pas. Là-bas, il va ramener la cassette. Mais je te dis simplement, moi, que là, qu'est-ce que je disais? Je l'avais, là, mais j'ai plus, là. Ouais. C'était bon, j'avais raison, en tout cas. C'est pas nécessaire de connaître toute la mécanique des problèmes dans l'ère de problèmes pour être capable de vivre dans l'ère où il n'y a pas de problème. C'est ça que je veux dire. OK, mais ça s'applique pas. Oui, ça s'applique. Ça ne s'est pas appliqué à date. Parce que l'humain... Non, c'est sûr que ça n'est pas appliqué. L'homme, parce que l'humain, il recherche à connaître son passé. L'homme, Daniel, généralement parlant, okay, on ne peut pas dire que par ignorance... L'homme va avancer. L'homme, c'est par le savoir, la compréhension oui, mais ça sert à rien à du l'homme. Savoir qui va lui permettre, parce qu'à ce moment-là, il a atteint le taux vibratoire pour savoir qu'est-ce que c'est que la pensée fait. Ça, c'est un désir très, très, très subtil, un désir égoïque très, très subtil. Mais l'homme n'a pas besoin de savoir tout ce qui va de connaître les lois, les mécaniques, les causes et les effets de tout ce qui va lâcher pour le lâcher. On sait certaines choses depuis 1969 seulement sur la planète. En tout cas, on le conscientise. On sait. Il y en a qui ont su en 69. Et depuis ce temps, ça se propage. Okay? Que l'homme pense qu'il pense. Depuis ce temps-là, ça, c'est pas de l'ignorance, là. Tu sais qu'est-ce qui est arrivé de marquant en 1969? Changeons pas de... Qu'est-ce qui est arrivé de marquant? Ah, oh, marquant. Oui, mais, tu sais, c'est sûr que si tu me déroutes, Daniel... Non, c'était pas... Je vais le perdre, l'argument. L'homme a mais marché c'était sur clair. La Lune. Non, c'était c'était bon. Clair. C'est que l'homme a marché sur la Lune. Oui, je sens. Ça, c'est arrivé parallèlement. Mais c'est clair que depuis ce savoir sur la planète, le taux vibratoire a été propulsé. Ce n'est pas de l'ignorance, ça. L'homme n'a pas avancé dans l'ignorance, c'est parce qu'il y a eu un savoir qui a été amené sur la planète et ça a permis à l'homme de se propulser. Mais et je dis que c'est la même chose qui va se produire. Mais c'est tout le temps que ce savoir-là arrive sur la planète pour propulser l'homme? Oui. Ou bien non, c'est parce que l'homme est allé marcher sur la Lune puis subitement, l'homme a regardé vers l'avenir. Et en regardant vers l'avenir, automatiquement, il y a des nouvelles lois qui sont apparues. Ça, c'est très farfelu. Je peux pas dire que c'est faux. Je peux pas dire que c'est faux, mais je dis que c'est très farfelu. Parce que je parle du savoir. Bon, oui, on peut décortiquer ça et amener un tas de choses. Mais je parle de la conséquence. La raison pour laquelle que ça c'est venu sur la planète, c'est pas important. La raison, ce que je veux en venir, c'est que l'homme sait... qu'il pense qu'il pense maintenant. Il a accès à un savoir comme qu'il n'a jamais eu encore sur la planète, qu'il pense qu'il pense. Sachant ça, ça change. C'est ce qui propulse l'homme présentement dans des taux vibratoires très rapidement. Bon, on va revenir là-dessus parce que... Est-ce que tu es d'accord avec ça? Pas tout à fait. Certains hommes. Pas tout à fait. C'est la base. Ça. C'est la base que de ta parole et de d'autres. On va revenir. OK. Petite annonce à faire. Est-ce que... Commencez encore?